préoccupée de mon âme. Moi qui auparavant étais rabaissée, négligée, j'ai trouvé en toi mon refuge. Sans cesse condamnée par les hommes qui pour défendre ma cause ici-bas. Ma fille basculée de ténèbres à la lumière, sainte majesté, instinct d'amour. Oui, j'entends mon âme, mon âme. Tu t'es préoccupée de mon âme, rejetée par les hommes, relevée par mon père. Tu as tout oublié, instinct d'amour. Tu t'es préoccupé de mon âme. Autrefois pécheur, je suis appelé à présent fils de Dieu. Instinct d'amour. Tu t'es préoccupé de mon âme. Je vois la lumière. Oui, dans tes bras, moi je m'envole. Yeah, mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Yeah. Rejeté par les hommes, relevé par mon père. Tu as tout oublié. Instinct d'amour. Instinct d'amour. Chantons mon âme. Mon âme. Tu t'es préoccupé de mon âme. Tu t'es préoccupé.